de t'asseoir, mais y a un vide sur tes genoux. Malheureusement pour toi, dans cette pièce, il n'y a que nous. Papa la papa pa. Je te propose du chocolat, tu n'as pas faim, c'est pas le moment. Tu me réponds que c'est le noir, son préféré, en soupirant. Papa la papa pa. Sois pas une loque, elle le mérite pas. Avec la gueule que tu fais là, j'ai manqué de tact, je crois. Papa la papa pa. D'accord, le pari n'est pas gagné, mais je vais au moins essayer de te changer les idées. De te changer les idées. Viens, on va dehors, t'as pas le choix, sinon c'est moi qui te sors. Regarde, elle est pas mal la fille là-bas. Et t'es où, mais reviens là. Papa la papa pa. Tu crois la voix à chaque croisement, mauvaise idée finalement. Bon, je crois que j'ai la solution, tu m'arrêtes quand pour toi c'est bon. Papa la papa pa. Tu veux aller dans un bar, voir quelqu'un, aller au ciné. Tu veux faire un tour en voiture, de la boxe, un jeu de société. Aller courir, faire un bowling, creuser un trou et le reboucher. Jouer aux fléchettes, aller pêcher ou juste me rendre taré. Tu veux pas mater la télé, mater la voisine, mater, me faire quoi? Du cerf-volant. Ah, cerf-volant. Enfin, moi quand je disais, le ciné, c'est bien aussi, non? Non? Si, non? Ok. Du cerf-volant. Eh bien. D'accord, le pari n'est pas gagné. Mais allez, on va y arriver. Je vais te changer les idées. Je vais te changer les idées. D'accord, le pari n'est pas gagné. Mais allez, on va y arriver. On va te changer les idées. On va te changer les idées. Papa la papa papa, papa la papa papa, papa la papa papa, la papa papa, papa la papa papa, papa la papa papa, papa la papa papa, la papa.